Le temps du cœur. Ingeborg Bachmann et Paul Celan. Correspondance. Deuxième émission. Page choisie par Julie Amint. Traduction de Bertrand Badiou. Et que prouve donc ton cœur ? Entre hier et demain, il oscille, sans bruit, étranger, et sonne en battant sa chute hors du temps. Ingeborg Bachmann, tombe, cœur. Deux années se sont écoulées depuis leur première rencontre, à Vienne, au printemps 1948. La passion amoureuse qu'ils partageaient alors s'est peu à peu transformée en sentiment étrange et profond, accentué par la distance physique, Paris-Vienne, qui les sépare l'un de l'autre. Les mots échangés, censés pallier le manque des corps, n'engendrent que trop de malentendus. C'est que Paul Celan et Ingeborg Bachmann, dans leur œuvre poétique comme dans leur échange épistolaire, se débattent sans cesse avec la langue allemande, cherchant désespérément les mots justes, ceux qui parviendraient à dire l'indicible. Mais la lutte contre le silence est difficile et les échecs immanquables. Ingeborg Bachmann choisit de se confier à des amis communs, Klaus et Nanny Demus, afin de tenter de renouer le dialogue avec son ancien amant. Mais les retrouvailles parisiennes sont difficiles. Vienne, 6 septembre 1950. Mon amour, c'est seulement maintenant, depuis que nos amis Nanny et Klaus sont de retour et que j'ai pu parler avec eux toute une soirée, que je vois combien de malentendus se sont interposés entre nous. Crois-moi, je n'ai pas commis, du moins consciemment, les erreurs qui m'ont éloignée de toi et rendue étrangère à tes yeux. J'étais très malade ces dernières semaines. Une dépression nerveuse, avec tous ses effets secondaires, m'a paralysée et m'a rendue incapable de réagir correctement et de prendre la moindre décision. De surcroît, j'ai pensé, et ce n'est qu'un des malentendus, qu'il ne fallait pas que je t'écrive à toi précisément. Pardonne-moi, si tu peux, et aide-moi quand même à partir d'ici. Veux-tu bien essayer de m'envoyer une invitation ? Je pourrais venir en octobre, et j'aurai d'ici là vraisemblablement aussi assez d'argent pour passer le cap des premiers temps à Paris, de sorte que je ne serai pas une trop grande charge pour toi. Cher Paul, il m'est difficile de t'écrire plus, parce que je sens que tout ne pourrait s'arranger que si je pouvais être en face de toi, te prendre la main et tout te raconter. Ne me fais pas attendre ta réponse, quelle qu'elle soit. Je t'embrasse et je suis avec plein de pensées près de toi. Ingeborg. Paris, 7 septembre 1950. Ma chère Ingeborg, voici la lettre de Madame Rosenberg qui t'invite à Paris. J'espère qu'elle sera suffisante pour obtenir le visa français. Entreprends, s'il te plaît, sans tarder les démarches nécessaires et fais-moi savoir si tout suit son cours normal. Ne tarde pas, Ingeborg. Si tu veux effectivement venir à Paris, alors le mieux c'est que tu viennes immédiatement. Tu n'as pas à te faire du souci en ce qui concerne ton séjour ici, d'aucun point de vue. Je me réjouis que tu viennes. Et tu serais peut-être déjà là si tu avais répondu à temps à la lettre de Nanny. Espérons que le consulat ne fera pas traîner en longueur l'affaire du visa. En tout cas, il te faudra sans doute suivre un peu les choses. Pour autant que je puisse le déduire de ce que Nanny m'a dit de vive voix, tu as eu du chagrin, Ingeborg. J'en suis désolé. Mais je crois que Paris pourra t'ôter ce chagrin. Précisément ce chagrin. Et peut-être pourrais-je assister Paris dans cette tâche. Vois-tu, il m'a fallu longtemps lutter avant que Paris ne m'admette vraiment et ne me compte parmi les siens. Tu ne seras pas aussi seul que moi, pas aussi isolé et rejeté que je l'ai été. car le premier droit qu'on acquiert de haute lutte ici, c'est précisément celui-ci. Protéger ses amis des choses auxquelles on a été soi-même confronté si longtemps sans défense, et même sans s'en rendre compte. Klaus et Nanny t'auront raconté combien Paris est beau. Je serai content d'être là quand tu le remarqueras. Donne-moi vite une réponse. Je t'embrasse, Paul. Vienne, après le 7 septembre 1950. Mon amour. De ta chère lettre, de l'invitation et de tout ce que tu fais pour moi, je te remercie beaucoup, beaucoup. J'ai tout mis en route immédiatement. J'ai été au consulat et j'attends maintenant ardemment le visa. Quand vais-je pouvoir m'en aller, je l'ignore encore. Mais j'espère pouvoir partir dans le courant de la première semaine d'octobre. Il y a naturellement beaucoup de choses à faire avant un aussi grand et décisif voyage. Il m'est difficile de t'écrire plus longuement maintenant. Réservons-nous pour les nombreux jours à venir que nous allons passer ensemble. Transmets, s'il te plaît, à Madame Rosenberg, bien que je ne la connaisse pas, l'expression de ma très cordiale gratitude. Bientôt complètement à toi, Ingeborg. Vienne, 27 septembre 1950. Mon amour. J'aspire tellement à un peu de sécurité que j'ai presque peur de bientôt la trouver. Je suis perdue, désespérée et amère, et je sais que je ne peux pas attendre de Paris, seule, la résolution de toutes ces difficultés intérieures, mais que beaucoup va dépendre de moi et beaucoup de notre relation. Je me réjouis et j'ai peur alternativement de ce qui va arriver. La peur prédomine encore. Essaie, je t'en prie, d'être bon avec moi et de m'aider à tenir debout. Parfois, je crois que tout est un rêve confus et que tu n'existes pas du tout et pas non plus Paris et que seul existe l'effrayante hydre pauvreté au sans-tête qui me broie et ne veut pas me lâcher. Mon visa, je suis censée le retirer le 5 octobre. Espérons qu'il sera effectivement prêt. Si de surcroît l'argent nécessaire arrivait, j'aurais de nouveau, après bien longtemps, des raisons d'être heureuse. Je t'embrasse, chérie, et je te donnerai bientôt des nouvelles de mon départ. À toi, Ingeborg. Paris, 14 octobre 1950. Cher Ingeborg, il est 4h30 et il faut maintenant que j'aille chez mon élève. C'était notre premier rendez-vous à Paris, mon cœur bat encore très fort, et tu n'es pas venu. J'ai encore 2 heures de cours à donner aujourd'hui. J'ai un long trajet et je ne serai de retour qu'à 9h moins le quart. La prise de courant pour ton fer à repasser est branchée à la lampe. Mais sois prudente et referme bien la porte pour qu'à l'hôtel on ne remarque pas que tu fais du repassage. Écris aussi les lettres que tu as à écrire. C'est dur d'attendre une lettre. Et pense un peu à ce qui m'a effleuré quand je t'ai parlé. Paul. À 2 reprises, en octobre 1950 et en février 1951, Ingeborg Bachmann retrouve Paul Celan à Paris. Il ne reste que peu de traces de ces nombreuses semaines passées ensemble. Mais les lettres qu'ils échangent une fois Ingeborg Bachmann de retour à Vienne, début mars 1951, témoignent avec une infinie pudeur de ce qu'ont été les retrouvailles parisiennes. Vienne. 26 mars 1951. Paul, chéri. On est lundi de Pâques. Et pour la première fois, je me suis levée après une maladie qui n'était pas très méchante, mais qui s'est révélée très importante pour moi, tant elle m'est presque miraculeusement venue en aide. Car je ne savais plus comment bien faire ici. Ma première erreur a été d'avoir continué pendant une semaine à jouer le jeu de mon ancienne vie à Vienne, exactement comme si de rien n'était. Puis, brusquement, dans un accès de désespoir et d'hystérie, j'ai arrêté. Je ne voulais plus sortir de la maison, tout en sachant cependant que ça ne pourrait pas durer. Ensuite est arrivée ma sœur, et puis cette grippe. Maintenant, tout est silencieux comme après un bombardement pendant la guerre, quand la fumée s'était dissipée et qu'on découvrait que la maison n'était plus là et qu'on ne savait pas quoi dire. Qui aurait-il eu d'ailleurs à dire ? Demain, je sortirai peut-être déjà pour chercher du travail. On trouve toujours quelque chose. Le téléphone est aujourd'hui bien silencieux, comme dans une secrète et sereine connivence. À l'automne, je viendrai peut-être à Paris, mais rien n'est encore décidé. Et même s'il me faut rester ici, je ne serai pas triste. J'ai été tellement gratifiée et j'ai tellement profité que ça devrait pouvoir suffire encore longtemps. Mais même si ça ne suffit pas, on arrive à s'en sortir avec si peu. Tu ne t'attends bien sûr pas à ce que je te dise aujourd'hui déjà quelque chose sur nous deux. Je ne peux pas bien réfléchir aujourd'hui. Il faut d'abord que je prenne mes distances avec tout. Seulement j'ai peur d'être alors à une trop grande distance de toi aussi. Écris-moi, je t'en prie, de temps à autre. Ne m'écris pas de façon trop vague. N'hésite pas à me raconter que le rideau de notre fenêtre a de nouveau brûlé et que les gens nous regardent de la rue. De cœur, à toi. Ingeborg. Vienne, 27 juin 1951. Chérie, cher Paul, dans peu de jours, Klaus part pour Paris. Il emportera les nombreuses lettres que je t'ai écrites, les mauvaises comme les bonnes. Je n'ai jamais eu le courage de les envoyer. C'est lui qui va pouvoir le mieux te raconter ce qui s'est passé de plus important ici et te parler aussi un peu du reste, qui est beaucoup plus important et qu'on peut difficilement raconter, voire même pas du tout. Je ne sais pas s'il faut que je m'y essaie. Je me languis tant, tant de toi que j'en suis presque malade parfois, et je n'ai qu'un seul désir, te revoir, n'importe où, cependant pas n'importe quand, mais bientôt. Mais si j'essaie de m'imaginer comment et ce que tu serais susceptible de répondre à cela, tout devient très sombre, et ressurgissent les anciens malentendus que je voulais tant faire disparaître. Te souviens-tu seulement que nous avons été, malgré tout, très heureux ensemble, même durant les pires heures, quand nous étions nos pires ennemis. Pourquoi ne m'as-tu jamais écrit? Pourquoi ne sens-tu plus que je continue à vouloir venir près de toi avec mon cœur affolé, confus et contradictoire, qui par intermittence continue de travailler contre toi? C'est ce que je commence lentement à comprendre. Pourquoi je me suis tant défendue de toi? Et pourquoi je n'arriverai peut-être jamais à cesser de me défendre? Je t'aime et je ne veux pas t'aimer. C'est trop et trop dur. Mais avant tout, je t'aime. Aujourd'hui, je te le dis, quitte à ce que tu ne l'entendes plus ou ne veuilles plus l'entendre. Je ne peux en aucun cas quitter Vienne avant l'automne. J'ai énormément de travail et je ne peux pas me permettre de démissionner de l'emploi que j'ai accepté. Ma bourse de séjour à Paris, elle, a été reportée à l'année 1952. Comment vais-je supporter cela? Je l'ignore encore. Ce que je préférerais pour passer ce cap, ce serait d'aller en Amérique dans l'intervalle. Mais tous ces projets dont je te parle ici sont très vagues. Les choses peuvent aussi tourner tout autrement. Il se peut que je sois obligée de rester ici et que je n'obtienne rien de ce que je souhaitais obtenir cette année. Accepte toute mon affection et tout mon amour. Les nombreux baisers et les nombreuses étreintes que tu ne peux pas accueillir. Laisse-moi être le temps d'une pensée près de toi. À toi, Ingeborg. Levallois-Perret, 7 juillet 1951. Ma chère Inge, il y a une semaine, Madame Yéné m'a apporté ton petit paquet. Et hier, Klaus est venu avec un autre cadeau de toi. Grand, grand merci pour tout cela. Un cordial merci pour les lettres aussi. Il est difficile de répondre à ces lettres, Ingeborg. Tu le sais. Tu le sais même mieux que moi, parce que tu peux avoir une vue d'ensemble de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant du côté qui en a déterminé la naissance, pour ne pas dire qui en est responsable. Je veux dire par là que les contours de ta propre personne doivent certainement t'appartenir plus distinctement qu'à moi. Et ton silence bien trop persistant n'y est pas pour rien. À moi qui suis confronté à des problèmes dont la solution ne fait qu'engendrer un autre problème, à savoir un de ceux qui se forment du fait qu'on le nourrit si longtemps de sens et de signification, au point de finir par être absurde en face d'eux, incapable de poser la question de savoir comment on en est arrivé là. Si je n'étais pas impliqué, combien ce serait fascinant. Combien il serait significatif aussi d'observer des deux côtés ce double dépassement de soi-même, la forme fantomatique, dialectiquement potentialisée, de nos réalités pourtant nourries de sang. Or, je suis impliqué, Inge. Et par là même, je ne peux pas regarder d'un œil compréhensif ce que tu appelles, dans un passage d'une de tes lettres, le caractère exemplaire de notre relation. Comment pourrais-je moi-même me poser en exemple? Des points de vue de ce genre n'ont jamais été mon affaire. Mon œil se referme dès lors qu'on s'invite à n'être rien qu'un œil et non mon œil à moi. S'il en était autrement, je n'écrirais pas de poème. Là où nous avons cru être, Inge, ce sont les pensées qui parlent en faveur du cœur et non l'inverse. Mais que ce soit maintenant précisément le contraire qui ait eu lieu, un geste de la main, fût-il le seul qui nous soit encore permis en un moment difficile, ne peut pas faire comme si ce qui s'est passé ne s'était pas passé. Rien ne peut se répéter. Le temps de vie qui nous est imparti, ne marque le pas qu'une seule fois. Et il est effrayant de savoir quand et pour quelle durée. Il est difficile de te mettre sous les yeux, précisément à toi, ce qui t'appartient en propre. Mais dis-moi, estimes-tu qu'il soit plus juste de rendre, d'un mot murmuré au loin à la légère, le monde encore plus impénétrable qu'il ne l'est déjà? Je serais content de pouvoir me dire que tu ressens ce qui s'est passé comme ce que c'était effectivement, comme quelque chose qui ne saurait être révoqué, mais qu'on peut sans doute évoquer par une remémoration fidèle à la vérité. Pour cela, et pas seulement pour cela, tu as besoin de calme, Ingeborg, de calme et de certitude, et je crois que tu parviendras le mieux à les trouver si tu les cherches en toi et non chez les autres. On t'a laissé entrevoir la possibilité d'obtenir une bourse, Inge. Travaille donc dans la perspective de cette bourse et n'essaie pas de passer le cap de la période qui te sépare encore de Paris par un voyage en Amérique. D'ailleurs, pourquoi l'Amérique ? Est-il vraiment important de collectionner des expériences précisément là où on les évalue si volontiers à l'aune du succès ? La vie t'a beaucoup donné, Inge. Beaucoup plus qu'à la majorité des gens de ton âge. Aucune porte n'est restée fermée pour toi, et sans cesse une nouvelle porte s'ouvre à toi. Tu n'as aucune raison d'être impatiente, Ingeborg. Et si je peux me permettre de te demander une chose, c'est précisément celle-ci. Pense à la rapidité avec laquelle tout est à disposition. Et modère maintenant un peu tes prétentions. Tu as aussi plus d'amis. Plus de gens prennent soin de toi que nous autres. Peut-être trop. Ou plutôt, il y a trop de gens autour de toi qui croient savoir où mène ton chemin. Alors qu'ils devraient savoir que leur propre chemin, celui qu'ils ont déjà parcouru, ne les autorise aucunement à adopter des points de vue généraux, du genre de ceux dont on a besoin quand on veut donner des conseils aux amis. J'ai le sentiment, et je suis conforté dans ce sentiment de plusieurs côtés, qu'à Vienne, ce n'est que dans de très rares cas qu'on est réellement ce qu'on prétend représenter. Je veux dire par là que beaucoup de gens qui donnent le ton à Vienne ont dans la plupart des cas les oreilles barricadées et la bouche pleine de propos impudents. Cette constatation, tu peux me croire, me rend aussi amer que toi, car je suis attaché à Vienne, malgré tout. Je dis tout cela parce que je voudrais te mettre en garde contre un certain succès. Il ne saurait être que très éphémère, et les êtres qui, comme toi, sont accoutumés à ce qui est dur, devraient savoir le contourner. Un mot encore. Tu sais combien est dur le vécu qu'il y a derrière. En ce qui me concerne, il n'y a pas grand-chose à relater. Je vais maintenant habiter pendant environ 6 semaines chez des connaissances à la périphérie de la ville, dans une petite maisonnette dont les fenêtres ouvrent une vue sur 3 tilleuls. Pas de bruit de rue, pas d'étudiants qui bagnaudent, pas d'Américains qui découvrent Paris by night, mais une machine à écrire. Tu t'es donné de la peine pour mes poèmes, je t'en remercie particulièrement. Schering, je termine maintenant. Je termine en te priant de m'écrire plus souvent et régulièrement. Bien des choses belles et affectueuses. Paul. Vienne, 17 juillet 1951. Cher Paul, c'est une grande joie pour moi d'avoir ta lettre entre les mains, et j'espère qu'ainsi nous avons entamé un dialogue, pardonne-moi malgré tout de faire cette supposition, qui nous importe à tous les deux. Ce que tu trouves à répondre à mes lettres dans ce qu'elles ont de plus intime me paraît bien froid, mais je te comprends et te respecte trop pour laisser l'amertume monter en moi. Je n'ai sans doute pas dû m'exprimer très clairement si tu as pu supposer que je croyais à un pouvoir rendre non advenu ce qui a eu lieu. Et j'irai aujourd'hui complètement dans ton sens pour ce qui est de la remémoration fidèle à la vérité. Dans un coin de mon cœur, je suis pourtant resté quelqu'un de romantique. C'est la raison pour laquelle je voulais faire revenir en moi, embellie, même si c'est avec une malhonnêteté inconsciente, ce que j'avais un jour laissé tomber parce que ça ne m'avait pas paru assez beau. Devant tes conseils, je suis un peu perplexe. Je ne songe pas à accumuler des expériences en Amérique. Mon point de vue sur ce pays devrait en grande partie coïncider avec le tien. Je n'en attends rien d'autre que la possibilité d'améliorer mon anglais. Ces progrès, qui pourraient se révéler utiles à la firme qui m'emploie, auraient en outre des répercussions favorables sur le plan financier. C'est précisément sur ce plan-là que c'est très difficile ici pour moi. Et à vrai dire, je ne sais pas ce que j'ai le plus à craindre. De perdre mon poste, car il faut toujours s'y attendre, ou de le garder. La vie en Autriche est devenue tellement plus dure, tellement plus désespérée cette dernière année, qu'il faut énormément de courage pour pouvoir s'y faire, chaque jour à nouveau. C'est pour cette raison que ce que tu appelles mes succès, vis-à-vis desquels tu as toujours été sceptique, et moi-même aujourd'hui, je ne le suis à vrai dire pas moins, me paraît douteux, au point que j'en arrive à me demander ce qu'on m'envie. Comprends-moi bien, je ne veux pas m'apitoyer sur moi-même ni qu'on s'apitoie sur moi. J'aimerais seulement mettre une chose au clair. Que j'ai des prétentions, peut-être trop hautes, parmi tous tes reproches, celui-ci est justifié. Aussi que je sois impatiente et insatisfaite. Mais mon inquiétude ne me pousse pas, j'en suis certaine, sur des chemins où on se perd. Vienne est, comme peut-être aucun autre endroit, le terrain des demi-mesures. Il faut vraiment prendre garde à ne pas déraper intellectuellement. Mais c'est là que me vient en aide précisément maintenant, cela semble paradoxal, mon étrange profession. Le mot « job » serait en fait plus approprié, qui me donne si clairement à comprendre ce que j'ai à faire du peu de temps qui me reste. Je te souhaite beaucoup de belles choses pendant ces semaines de calme à Levallois. Récemment, on a lu des poèmes de toi à la sécession de Vienne. J'ai le sentiment que le cercle des gens qui connaissent ton nom ici ne cesse de s'agrandir. Je resterai tout l'été à Vienne. Tu peux donc toujours m'écrire. Je t'en prie, fais-le. Ingeborg. C'était « Le temps du cœur », Ingeborg Bachmann et Paul Celan, correspondance. Deuxième émission. Page choisie par Julie Amint. Traduction de Bertrand Badiou. Avec Paul Celan, Bruno Pavio, Ingeborg Bachmann, Elodie Hubert. Narration, Hélène Losseur. Prise de son et mixage, Éric Boisset. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Étienne Vallès. La correspondance entre Ingeborg Bachmann et Paul Celan est publiée aux éditions du Seuil.